D'ailleurs, on l'imite dans la perfection à Elbeuf. Pas possible. On imite bien les majoliques. Votre pièce n'a aucune valeur. J'allais faire, moi, une belle sottise. » Quand le notaire eut disparu, Pécuchet s'affaissa dans le fauteuil prostré. « Il ne fallait pas rendre la cuve, » dit Bouvard. « Mais tu t'exaltes, tu t'emportes toujours. » « Oui, je m'emporte, » et Pécuchet, empoignant la soupière, la jeta loin de lui contre le sarcophage. Bouvard, plus calme, ramassa les morceaux un à un, et quelque temps après eut cette idée. Marescot, par jalousie, pourrait bien s'être moqué de nous. « Comment ? » ?»« Rien ne m'assure que la soupière ne soit pas authentique, tandis que les autres pièces qu'il a fait semblant d'admirer sont fausses, peut-être. » Et la fin du jour se passa dans les incertitudes, les regrets. Ce n'était pas une raison pour abandonner le voyage de la Bretagne. Ils comptaient même emmener Gorju, qui les aiderait dans leurs fouilles.